423, 6. Là on brûlait des parfums. Lui seul se tenait assis sous un dais et ordonnait des cérémonies. On conjurait une nymphe des montagnes de venir avec ses compagnes, immortelles comme elle. 423, 15. Pendant un mois, on ne put le trouver, parce que, usant d'un nouveau sortilège, il avait arrosé la terre autour de lui avec du sang de chien. Mais toutes ses ressources ne purent le sauver. 423, 21. Être pieux envers ses parents, bon frère, droit et fidèle, pur dans ses actions, observateur scrupuleux des lois et attentif à ses pensées. 424, 2. Employer une aune trop courte, de fausses mesures. 428, 2. Mêler la vérité de mensonges. 430, 2. Recueillir le lucre de la prostitution. 432, 2. Subjuguer les bons et les humilier. 436, 2. Monter fièrement à cheval sur le dos des simples. 439, 2. Faire des imprécations et adresser aux esprits des prières impératives. 441, 2. S'enivrer, se révolter ensuite et donner lieu à des troubles. 443, 2. Souffrir de la division et des querelles entre sa chair et ses os. 450, 2. Vivre mal avec sa femme. 452, 2. Ne pas respecter son père. 463, 2. Manquer au devoir envers ses oncles et ses tantes. 474, 2. Haïr et aimer par intérêt. 475, 2. Fouler aux pieds les puits. 478, 2. Faire du mal aux enfants et maltraiter les nouveau-nés. 480, 2. Maître du mystère et du mal à tout. 481, 2. Chanter et danser le jour de la conjonction. 483, 2. Se mettre en colère dans la nouvelle lune. 487, 2. Soupirer, chanter ou pleurer. 487, 5. Allumer des parfums au feu du foyer. 487, 8. Souiller le bois avec lequel on prépare les aliments. 495, 1. Monsieur Rémusa a omis ce passage chinois. 495, 5. Montrer au doigt les trois clartés célestes. 496, 13. Autrefois, sous la dynastie des Tsin, il y eut une grande sécheresse. 497, 1. Il annonça qu'ensuite il faudrait allumer un grand feu et y entasser des broussailles. Il tomba une pluie si abondante que la rivière crut d'un pied d'eau. 504. Tuer les tortues ou frapper les serpents. 507. Les tortues et les serpents sont sous l'influence directe du pôle septentrional et du dieu de la guerre. 501, 8. et portant une corbeille de champignons. 502.3. Voilà autant d'actions qui, ainsi que d'autres semblables, méritent d'être punies suivant leur gravité ou leur légèreté. Celui qui préside à la vie retranche. Quand on prend injustement le bien d'autrui, on court risque de voir sa femme séduite, ses domestiques trompés. La mort vient pour récompense. Ou si la mort ne vient pas, on voit sa maison ravagée par des inondations ou des incendies, ses meubles enlevés par des voleurs, on est accablé de maladies, et tous ces maux sont la juste récompense du tort qu'on a fait. 508.2. Celui qui tue un homme injustement ressemble à des soldats qui se frappent à coups d'épée. 510.5. La mort le frappe au moment où il se croyait rassasié. 512.4. Si le cœur a une bonne pensée, les esprits l'ont saisie et la font suivre de leurs heureuses influences. 514.4. Si l'on a fait une mauvaise action, qu'on se corrige et qu'on se repente, qu'on quitte la mauvaise voie et qu'on pratique la vertu, on ne manquera pas d'obtenir le bonheur. C'est ce qu'on appelle le retour du mal au bien. 516.4. Aussi l'homme véritablement heureux dit le bien, voit le bien, fait le bien. En un jour il réunit trois sortes de biens. En trois ans, le ciel lui envoie infailliblement le bonheur. Le méchant dit le mal, fait le mal, voit le mal. En un jour, il amasse trois sortes de maux, et en trois ans le ciel ne manque jamais de lui envoyer le malheur.